Paul, la reine, la chèvre d'or. Préface. Au docteur Z. En fait, c'est au docteur Charcot que s'adresse Paul, la reine. Ris, ne te gêne point, ami très cher, ô grand docteur. Je te vois d'ici, lisant ma lettre, au fond du fastueux cabinet, encombré de la dépouille des âges, où, pareil à un Faust qui serait bibelotier, tu passes au creuset de la science moderne ce que l'humanité gardait encore de mystère, où, parmi les tableaux anciens et les statues, les émaux, les tapisseries, tu uses tes jours, poussé par je ne sais quel contradictoire et douloureux besoin de vérité, à réduire en vaine fumée les illusions de ce passé, dont le reflet pourtant reste ta seule joie. Et je devine le sourire d'ironie compatissante qui, avant une minute, va éclairer ton numismatique profil. Tel que tu me connais, devenu douteur par raison, guéri des beaux enthousiasmes et déshabitué de l'espérance, je suis très sérieusement occupé à la recherche d'un trésor. Oui, ici en Provence, dans un pays tout de lumière et de belles réalités, aux horizons jamais voilés, aux nuits claires et sans fantômes, je rêve, ainsi tout éveillé, le plus merveilleux des rêves. Folie, vas-tu dire. Rassure-toi, bientôt ta sagesse reconnaîtra qu'il me faudrait au contraire être fou pour renoncer à ma folie. Car le trésor en question est un trésor réel, palpable, depuis plus de 1000 ans enfoui. Un vrai trésor en or, et qui n'a rien de chimérique. Bien que comparable aux amoncellements de joyaux précieux et de frissonnantes pierreries dont l'imagination populaire s'éblouissait au temps des 1001 nuits et des califes, aucun génie ne le garde. Et bientôt, il m'appartiendra. Comment ? Laisse-moi le secret une semaine encore. Du reste, j'avais à ton intention jeté sur le papier, d'abord pour occuper mes loisirs, plus tard pour amuser mon impatience, le récit exact de mes sensations et de mes aventures depuis le jour de mes adieux. Tu recevras le paquet en même temps que cette lettre. Tout un petit roman dont les circonstances ont seules tissu la trame et où ma volonté ne fut pour rien. Il ne s'y agit pas de trésor qu'assez tard. Je t'enverrai la suite et tu pourras ainsi t'associer aux émotions que je traverse. En attendant, montre-toi indulgent à ma chimère. Pour te prouver que je suis lucide et que la manie des grandeurs ne m'a pas troublé le cerveau, je te jure que, bientôt, à Paris, je rirai avec toi, et plus fort que toi de mes déconvenues, si, au réveil, sous le dernier coup de pioche, je ne trouve, comme dans les contes, à la place du colchos et de la joconde, espéré, qu'un coffre vermoulu, des cailloux et des feuilles sèches. Donc, pour la reine.